Bonjour, je m'appelle Carlos. Est-ce que je parle votre numéro d'utilisateur, s'il vous plaît? Là, comment tu t'appelles, toi, là? Carlos. Carlos, écoute-moi bien, là. Oui. Là, moi, je suis allé au magasin d'ordinateur avec Brancher et Famille, là. Oui. Je me suis acheté une TV, un piano, puis une boîte en fer, puis ça marche pas. Une TV? Ah oui, j'ai demandé, moi, je veux le kit, là. Fait que là, ils m'ont donné une TV avec un piano, un petit collègue, là, puis une boîte en fer avec des pitons, des lumières, là, mais ça marche pas. OK. Pouvez-vous me dire, c'est quoi que vous avez fait pour à date? Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, mais je les ai connectés, là, pis là, il y a des affaires qui arrivent, je veux dire, c'est comme une TV, là, mais je veux dire, je vois pas d'émission, pas rien, pas une pas de poste, pis là, après ça, un tableau, là, avec des claviers, piano, avec des lettres, des chiffres, là, j'ai tout connecté ça, là, je voulais appeler mon beau-frère, il connaît ça un peu, ses affaires, il connaît ça l'informatique pis tout, là, mais il peut pas venir, là. OK. C'est quoi, faut-tu m'achète, là, une TV là, qui se déplie en deux, là? Non. Êtes-vous membre avec Sympatico, avec Belle Sympatico? Ben oui, mais je viens de te dire que ça marche pas. OK, vous essayez... Je viens de te dire que je suis allé au magasin aujourd'hui, là. C'est le gouvernement qui me paye, moi, là. Il me donne des rabais, là, pour avoir Internet. Oui, je comprends. Je veux dire, moi, je roule pas sur l'or, moi, là, ça m'a pas coûté... Ça a l'air que ça m'a pas coûté cher, là, mais ça m'a coûté une beurrée pareille. Oui, je comprends, monsieur. Je veux vous aider. J'ai juste avoir besoin de quelques informations. Juste votre nom de famille, s'il vous plaît. Marchand. Avec un D à la fin. Avec un T. Avec un T comme Thomas. T comme Thomas. Parfait. Juste votre premier nom, s'il vous plaît. Philippe. Philippe. Et juste votre numéro de téléphone avec le code de général. Moi, appel de Verdun, 514. Oui. Donc, est-ce que vous avez le CD? Le quoi? Le CD-ROM, ils vont... Bon, ils m'ont donné un disque de musique sympathico, là. J'ai voulu l'écouter tantôt, puis ça n'a pas marché. J'entendais des bruits bizarres, hein. OK. Premièrement, je... Moi, je pensais que, genre, je mettais le CD de musique, puis ça allait être quelqu'un qui allait m'expliquer comment installer Internet. Ça marche pas de même. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce que je fais avec le piano, là? Où c'est que je le collecte? Le clavier? Le clavier, le piano, elle sait pas, là. C'est des lettres qui font dessus? Ben oui. OK, parfait. Ça, on appelle ça un clavier. Un clavier. Ah oh, ouais. Oui. Juste une seconde. Je vais juste vous attendre une seconde, s'il vous plaît. Je vais juste vérifier avec un technicien, OK? Oui. Tech 2 Quad speaking. OK, man. I need help. Yes. Do you speak French? Absolutely. J'ai un gars au téléphone, là. Il m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit, OK? Il vient de s'acheter une TV avec un Web TV. Non. Une TV. He bought a computer. He thinks it's a TV. He wants to watch TV on it. OK. Il s'est acheté un piano. OK? C'est pas un clavier pour ce gars-là, là, c'est un piano. Non! Je te le jure. Oh, shit! OK? Là, il sait pas... Je te jure. Là, il sait pas comment plugger le clavier dans l'ordinateur. Est-ce que je suis supposé te l'aider, ce gars-là, ou je dis... Non, pas du tout. C'est pas supporté, là. Nous, on supporte l'Internet seulement. OK, fait que on supporte pas le coaching pour brancher un clavier. That is... His problem, dude. Hey, ce gars-là me dit, j'allume la TV, là, je pogne pas de poste. Non! Non!